Chapitre 193. L'ordre d'accomplir les prières obligatoires assidûment et l'interdiction formelle de les abandonner et les menaces terribles contre ceux qui le feraient. Allah Ta'ala dit: Soyez assidus aux salat et surtout la salat médiane. Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Sourate 2, verset 238. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre. Sourate 9, verset 5. 1074. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, rapporte: J'ai interrogé le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, quelle est la meilleure action? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, la prière à l'heure prescrite. Je demandai, et puis, il répondit, la piété envers les deux parents. Je poursuivis, et puis, il dit, le combat dans le sentier d'Allah, le djihad. Al-Bukhari et Muslim. 1075. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, l'islam est fondé sur cinq piliers. Témoignez qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Accomplir la salat, acquitter la zakat, l'aumône légale, accomplir le hajj, le pèlerinage, jeûner le mois de Ramadan. Al-Bukhari et Muslim. 1076. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Allah m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, qu'ils accomplissent la salat et s'acquittent de la zakat. S'ils font cela, alors ils n'ont à craindre de ma part ni pour leur vie, ni pour leur bien, hormis ce que leur impose l'islam, et c'est Allah Ta'ala qui leur demandera des comptes. » Al-Bukhari et muslim. 1077. Mu'adh radiyallahu anhu rapporte: Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam m'a envoyé au Yémen en me recommandant ceci. Tu te rends auprès d'un peuple parmi les gens du livre, juifs et chrétiens. Invite-les d'abord à témoigner qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah et que je suis le messager d'Allah. S'ils t'obéissent en cela, alors informe-les qu'Allah leur a prescrit cinq prières quotidiennes. S'ils acceptent, informe-les qu'Allah leur a imposé une aumône, la zakat, prélevée sur les biens de leurs riches et distribuée à leurs pauvres. S'ils y consentent, évite de prélever leurs biens les plus précieux et méfie-toi de l'invocation de celui qui subit une injustice, car entre elle et Allah, il n'y a aucun obstacle. Elle est acceptée. Al-Bukhari et Muslim. 1078. Jabir, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Ce qui sépare l'homme du polythéisme et de l'incroyance, c'est l'accomplissement de la salat. » Muslim. 1079. D'après Buraïda, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Le pacte de non-agression, Ahd, qui nous lie à eux, repose sur la prière. Or, celui qui la délaisse a mécru. » At-Tirmidhi a dit, Hadith Hassan Sahih. 1080. Shaqiq ibn Abdillah, rahimahullah, membre de la génération qui a succédé à celle des compagnons et dont la valeur est unanimement reconnue, a dit: Les compagnons de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ne considéraient pas le fait de délaisser un acte de la religion comme de l'incroyance, hormis la salat. At-Tirmidhi, dans le livre de la foi avec une chaîne authentique. 1081. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: La prière est le premier acte d'adoration sur lequel on demandera des comptes aux serviteurs d'Allah le jour de la résurrection. Si cette dernière a été accomplie correctement, réussite et bonheur lui sont promis. Sinon, déception et échec l'attendent. Si sa prière obligatoire a été négligée, le Seigneur Azza wa Jal dira « Voyez si mon serviteur a à son actif des prières volontaires pour en compléter ses prières obligatoires. » Puis l'on agira de même avec le reste de ses œuvres. At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan ».